Tout à l'heure, vous avez eu un peu de mal à trouver le futur. Ci vedremo. Si vous butez sur quelque chose, essayez tout de suite de trouver une autre solution. Au lieu de « À quelle heure est-ce que nous nous verrons demain ?» vous pourriez dire « À quelle heure ?» On pourrait mettre un présent. Exactement. Oui. Alors, comment est-ce qu'on dit ça au présent ? À quelle heure ci vediamo domani ? C'est ça. À quelle heure ci vediamo domani ? Ce que je veux dire, c'est que si dans la conversation, vous n'arrivez pas à dire ce que vous voulez, dites-le d'une autre façon. Même les phrases les plus simples peuvent être exprimées d'une bonne dizaine de façons, dans quelque langue que ce soit. Seuls les gens qui s'obstinent à trouver une tournure particulière finissent par s'embourber. Même dans votre propre langue, vous entendrez parfois quelqu'un qui parle normalement et qui, tout d'un coup, s'arrête et dit « Ah zut, je l'ai sur le bout de la langue !» Il cherche tel ou tel mot particulier et plus il le cherche, plus il lui échappe. L'important, c'est de trouver immédiatement une autre solution. Prenons un exemple simple. En français, nous disons « Je pars demain pour Paris ». C'est une phrase toute bête et pourtant, il y a probablement 6 ou 7 façons différentes d'exprimer la même chose. Vous pouvez dire « Je vais partir demain pour Paris »,« Je vais à Paris demain », »,« Je dois partir demain pour Paris », »,« Je compte partir demain pour Paris », »,« J'ai l'intention de partir demain pour Paris », »,« J'ai prévu de partir demain pour Paris ». Vous voyez qu'il y a des tas de variantes et que si le mot « partir » ne vous vient pas à l'esprit, vous pouvez toujours dire « aller ». Et à la rigueur, si « aller » ne vous vient pas, vous pouvez dire « être ».« Je serai à Paris demain ». Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une solution de rechange. Ce qui compte, c'est de communiquer avec votre interlocuteur et de ne pas vous laisser arrêter par un mot. Évidemment, si c'est une simple question de vocabulaire, ça ne peut pas faire de mal d'essayer de deviner tel ou tel mot. Par exemple, si vous voulez dire « ça m'est difficile » ou mot à mot « c'est difficile pour moi de parler italien », comment diriez-vous « c'est difficile pour moi » ? È difficile per me di parlare italiano? On vous comprendra si vous le dites comme ça, mais après le mot « difficile », on n'utilise pas « di » en italien. Ah, alors « è difficile per me parlare italiano ». Ce n'est pas « difficile », mais « difficile ». Donc, « è difficile per me parlare italiano ». Pour traduire « difficile », vous avez dit « difficile ». Oui, vous voyez, ce que j'essaye de vous montrer avec cet exemple, c'est que pour ne pas se laisser arrêter par un mot, on peut essayer de le deviner. Et c'est ce que vous avez fait. Vous vous êtes dit « c'est un mot en « il », donc ça donne « il » en italien ». Bon, ce n'était pas tout à fait ça parce que on dit « difficile », mais vous n'êtes pas tombé loin. Ce qui compte, c'est de faire passer la balle au-dessus du filet, comme au tennis, c'est-à-dire de se faire comprendre. Si votre interlocuteur vous comprend, il vous renverra la balle en vous montrant qu'il vous a comprise. Non pas pour vous corriger, mais simplement pour confirmer qu'il a capté le message. En français, par exemple, si vous dites à quelqu'un « Est-ce que vous avez faim ?» et qu'il vous répond « Oh non, j'ai déjà mangé », vous ne direz pas « Non, ce n'est pas « j'ai déjà mangé ». Vous direz « Ah, vous avez déjà mangé ?» Et la personne se corrigera donc d'elle-même en disant « Ah oui, j'ai déjà mangé !» C'est pareil en italien. Du moment que c'est pour envoyer la balle au-dessus du filet et vous faire comprendre, ça ne fait pas de mal de tâtonner un peu pour ce qui est du vocabulaire. Pour la grammaire, les constructions, je préfère que vous vous arrêtiez pour réfléchir. Mais pour le vocabulaire, pas de problème. Il faut juste essayer d'envoyer la balle au-dessus du filet. Si elle passe, on vous le renverra et si elle ne passe pas, vous devrez recommencer. Essayez autre chose, c'est tout. Qu'est-ce que vous aviez dit déjà pour traduire difficile? Difficile. Oui, voilà. On vous comprendra et on vous dira « Ah oui, è difficile ». Et vous penserez « Ah, ça marche, je m'y suis fait comprendre ». Et c'est comme ça, au fil de la conversation, que vous apprendrez des choses, que vous vous corrigerez grâce aux réactions de votre interlocuteur. Difficile. Pour l'autre phrase tout à l'heure, est-ce qu'au lieu de « A che ora ci vedremo », on pourrait dire « A che ora possiamo vederci ?» À quelle heure est-ce que nous pouvons nous retrouver? Mais oui, tout à fait. Bien sûr qu'il y a plusieurs solutions. Et c'est justement ce que je veux que vous compreniez. D'accord. Il se peut parfois qu'en essayant de deviner un mot, je dis bien un mot, pas une construction, vous fassiez fausse route. Il se peut que votre interlocuteur vous regarde sans comprendre. Et là, vous saurez que la balle est dans le filet. Mais pas d'affolement. Vous vous direz simplement « Ok, ça n'a pas marché, j'essaye autre chose ». Ce qui compte, je répète, c'est de communiquer, d'envoyer la balle au-dessus du filet. C'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que vous arriverez à communiquer avec les Italiens. Avec les constructions, la grammaire, c'est autre chose. Pas de devinette, de la réflexion. Mais pour le vocabulaire, vous pouvez y aller sans problème.